C'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est quoi? Comment c'est qui? Je peux pas répondre à la police et ficha, voilà. Cette meuf il me semble qu'elle fait la pute pour cent de l'heure. Le bonheur veut pas que je l'embelasse car je suis genre de mec qui se reconnaît dans les lascars. Ouais ça parle à toute patate mais toujours dans ton dos t'attaques. Avant que t'aies le temps de dire ça y est, hop direct un bon de la mer. Regarde ce qui passe, un gros talma, soudaine envie de mettre la main. Fais pas la scène du restaurant, elle vire à Tony Montana. Bagdad en île de France, pas de cadeau petit fils de trans. Pas de photo de notre univers dans les bouquins, les guides de France. Un gars de chez nous qui passe le bac, on organise feu d'artifice. Y'a des pointeurs mais la police va me noter un gars qui pisse. La vie scolaire moi j'ai piné, moi j'attends plus ma destinée. Contre le sida, vacciné, me suicider, j'ai pas d'idée. J'suis fatigué de pratiquer le mensonge quand j'ai pratiqué. Car les gens veulent pas s'expliquer quand t'as la tête du mec typé. Ce qu'ils veulent c'est du lourd. Si je les ai fait court, j't'envoie le son qui ferait même bouger la tête au sourd. Ce qu'ils veulent c'est du lourd. Si je les ai fait court, j't'envoie le son qui ferait même bouger la tête au sourd. Les feux que voient des neugeux dans leur tête, ça va-t-il? Des contrôles d'identité parasites, une insulte avant de se quitter. Sans pitié te piétine devant la petite qui panique. À peine à deux pas d'où t'habites, pique Nico Comico. Y'en a qui veulent un vis-à-vis, à l'autre le bif DJ Divisa. Les neugeux, le jeu de Zizou. Mais quand on prie, y'a pas de résumé. Qui c'est qui se soucie de notre situation sociale? Ils s'associent en douce et saucissonnent, la France est facile. Paraît qu'ils veulent que la ville évolue vite. Paraît qu'ils idolent le malin, les malhonnêtes. J'me sens solo dans la foule, j'ai pas beaucoup de potes au stop. J'dois passer par mon shit comme un ton par Photoshop. Sandarovitch, prends pas trop vite la confiance dans la vie. Y'a un compte à rebours, il faut bien qu'il y ait une suite comme le retour de la momie. Fais donc une bise à ma mère si tu repars en vie. Si ils veulent c'est du lourd, si je les ai fait pour, j'envoie le son qui ferait même bouger la tête au sourd. Si ils veulent c'est du lourd, si je les ai fait pour, j'envoie son qui ferait même bouger la tête des sourds. Qu'est-ce t'en sais, cet enfer? Tu veux du lourd, bah j'vais t'en faire. J'vais t'en faire. Elle fait la fellation, celle-là appelle la calma, stick à fond. D-A-R la fellation, j'mets de la Z là et de la Sion. Hakuna Matata, pas ma philosophie. J'ai vu Simba Nala se faire violer par un zoophile. Partout des gueuches comme Gollum pour une galette par randonnée. La vie m'a dégoûté comme une bebon avec une crotte de nez. J'peux pas tout faire, j'm'appelle quand même pas Octopus. Bien sûr, un jour tu verras des films de cul au box-office. Le pen moi m'a sidéré, un gros mawashi guéri. Non, non, j'peux pas adhérer, les chéris leur crise d'hystérie. Un patron m'a dit t'es mal à gueule de salokta. Fonce des dans la rue, j'tape des pattes dans Stravolta. Roule un joint dans l'octan, dans mon lit j'en fais autant. Ce putain joint nous a tous dit prenez votre temps. Fait court, j't'envoie le son qui ferait même bouger la tête au sourd. Ce qu'ils veulent c'est du lourd. Si je dis que c'est fait court, j't'envoie le son qui ferait même bouger la tête au sourd.